crois irrésistible avec ta moustache et tes talons de cow-boy. Tu te prends pour Pancho Villa, pour Buffalo Bill et moi pour une petite fille. Ciao bambino, sorry. J'aurais bien voulu t'aider. John Wayne, Redford, Newman, ça n'existe pas. La vie n'est pas du cinéma. Ciao bambino, sorry.